Bonjour et bienvenue. Je suis Mathias Claes et j'ai écrit le texte La Maison. Ce texte a été écrit pour un festival de lecture à voix haute, Maudit Molu. Pour continuer l'expérience, je l'ai enregistré et je vous propose d'en écouter chacun des épisodes. Épisode 9. Tu es un homme âgé. Tu sais que c'est comme ça qu'on dit et ça tombe bien, c'est comme ça que tu te sens. Homme défait, idiot, dinosaure, statue pâle, effigie inoffensive, icône au vernis sali. Il y a un arbre dans ce jardin, le jardin de ta fille. Il est tout menu, presque neuf. Tu te dis que c'est étrange. Tu ne te serais jamais dit qu'un arbre avait l'air presque neuf. Tu aurais dit jeune, jeuneau, juvénile. On dirait que celui-ci vient d'être retiré d'un sachet plastique et posé là, que rien ne le retient. Ta fille a raison quand elle dit que tu deviens un vieux con. Un con, ça tu l'as toujours été, tu te fais pas d'illusions là-dessus, mais vieux, c'est finalement assez récent. Il y a peu tu râlais, jugeais, blâmais avec vigueur, tu t'emportais, tu embarquais tout sur ton passage, hargneux, méchant si possible, cruel, roi terrible. Aujourd'hui, tu fais l'ombre d'un coup d'éclat, et ta fille te dit qu'elle te réinvitera plus au repas de famille qu'elle organisera. Et elle est où la fougue? Elle est où la fureur? Elle est où la haute mer et les grands remparts de fierté et les gouffres d'arrogance et les joues rouges et les yeux hors des orbites et le tonnerre dans la voix? Tu parles. Tu baisses la tête et ton vieux cœur se serre. Tu te dis, j'ai déconné. Et tu sens bien que ton épouse, qui n'est pas moins méchante que toi, pas rendue moins aigrie par le ressac des mésaventures et des désillusions, qui s'emportait joyeusement avec toi en foutant une merde pas possible dans tous les repas, fêtes, célébrations, tu sens qu'elle aussi, son vieux cœur chéri, se serre, et qu'elle baisse aussi la tête. Piteuse. Piteuse, comme toi tu te sens piteux. Et piteux comme quoi? Piteux comme quoi? Piteux comme quand, gamin, un ami te refusait le droit de jouer avec lui. Piteux comme quand, enfant, ton père te regardait avec des yeux terriblement déçus à cause d'une bêtise que tu venais de faire. Piteux comme quand, tout mioche, on te disait, toi de toute façon t'es moche et on t'aime pas. Piteux comme un pas aimé, pas bien aimé, pas assez. Piteux comme un père qui n'a pas de nouvelles de son fils depuis 10 ans. Piteux comme tes filles ont dû se sentir piteuses quand tu leur disais qu'à côté de leur frère elles valaient pas grand chose. Tu essaies de te souvenir pourquoi tu leur disais des horreurs pareilles. Tu aimais tellement ton fils, le premier né. Celui qui allait te ressembler. Jonathan, ça veut dire « Dieu a donné » et tu lui as choisi ce prénom en le sachant. Tes filles sont arrivées dans un endroit où il serait toujours trop tard pour exister. Et tu n'as même pas prétendu leur faire un peu de place, ton épouse non plus. C'est que vous avez toujours été contre la contraception, alors. Dieu donne, on reçoit, mais on va pas faire semblant que c'est plaisant quand ça ne l'est pas. Aucun des prêtres d'aucune des églises que vous avez fréquentées n'a jamais été d'accord avec ça. Les prêtres manquent de bon sens. Ils se croient au-dessus de la masse et se complaisent à ignorer les soucis que Dieu donne à sa plèbe. Il y a quelques années, vous avez cessé de fréquenter les prêtres et les églises. Peut-être qu'il serait temps de s'y remettre. Une main se pose sur ton avant-bras. Tu la connais par cœur, cette main. Tu pourrais la modeler dans n'importe quelle argile. Tu sens le regard de ton épouse sur ton visage. Ça te réchauffe. Elle, tu l'aimes plus que ton fils. Tu l'aimes plus que toi-même. « Eh bien, mon chéri, je crois qu'on arrive en fin de course. » Tu souris. Votre petite fille, l'enfant que Jonathan a conçu avant de s'enfuir et de ne plus donner de nouvelles, arrive avec votre petit-fils dont c'est l'anniversaire. Il se plante devant vous. Tu cherches, en les regardant, le plus profondément possible, une étincelle d'amour inconditionnel, quelque chose qu'éveillerait en toi leur trait, le fait de savoir qu'un peu de ton sang coule dans le leur. Tu ne trouves pas. « Pourquoi est-ce que vous vous disputez tout le temps avec Tata et sa mère à lui ?» demande la petite fille. « C'est parce que vous êtes vieux et que vous allez mourir ?» demande le petit-fils. Merci de m'avoir écouté. Le prochain épisode sera mis en ligne demain.